Adieu, Villefranche. Faustine, yeux grand ouverts sur la vie, accumule les expériences, et l'époque en est féconde. Par exemple, comment obtenir le remplacement gratuit de la machine à laver, une petite calore que maman a fait tomber en la déballant et qui ne fonctionne plus. Système D et gueule d'ange. Qui pourrait résister à maman? Certainement pas le vendeur d'électroménager qui vole à son secours. Pas non plus cet élégant capitaine de yacht britannique, encre dorée sur la casquette, croisé au bistrot du coin où le trio s'offre une limonade, savourant sa victoire quincaillère. On sent qu'il aimerait bien l'emmener sur les flots avec lui, la jolie blonde aux yeux bleus que voilà. Mais il abandonne l'idée aussi sec, façon de parler, quand la cruelle pensée que ces deux bambins lui appartiennent, peut-être, traverse les brumes de son cerveau. Ils se contentent de leur offrir leur boisson et s'enfuient en titubant dignement. Maman dira à Faustine, « Tu vois, seuls les Anglais savent se saouler avec autant de classe. » Chose qui sera vérifiée quelques semaines plus tard, quand un Stéphane vert et jaune sera raccompagné par deux superbes marins, militaires ceux-là, d'une sortie avec son école sur le cuirassé Clémenceau qui mouille en baie de Villefranche. Le coquin avait soif et n'a rien imaginé de mieux pendant les discours soporifiques des autorités navales que de vider quelques fonds de coupe restés sans surveillance. Autre histoire de bouteille, celle qui roule dans le fond du bus qui conduit maman et Faustine au grand marché de Vintimille. Franchement, ça pue là-dedans. Afin d'effacer l'odeur, sitôt à destination, maman se précipite dans le premier bistrot venu et commande deux ristretti. Elle initie Faustine au fabuleux café italien. Mi café, mi sucre. On dit que c'est l'eau qui fait tout. Faustine, néophyte en cela comme en beaucoup d'autres choses, n'est pas convaincue, mais se promet de réessayer plus tard. Par contre, une fois parcouru le marché au milieu de merveilles, sacs, chaussures, blousons dans les cuirs les plus travaillés, robes, foulards multicolores, mère et fille s'installent sur le coup de midi dans une petite trattoria et se laissent tenter par des œufs brouillés aux truffes, comme Faustine n'en mangera plus jamais de sa vie. Il y a des souvenirs vivaces. Le ristretto qui suit ce festin est déjà plus familier à l'adolescente. C'est bientôt Noël. Rejoignent la villa un jeune garçon et sa mère que maman soupçonne très vite d'être la maîtresse du propriétaire. Il n'habite pas ici, mais sa voiture est garée presque tous les jours sur le parking. Quand elle se retrouve seule, la jeune femme bavarde volontiers d'une terrasse à l'autre en étendant sa lessive. Elle vante à maman la qualité des sous-vêtements petits bateaux qu'elle achète à son fils. Évidemment, maman, aux antipodes de ce genre de snobisme, se moque. Elle la surnomme la mère petit bateau en imitant sa voix flûtée. Toutefois, curieuse de voir si tous les appartements se ressemblent, elle accepte un soir de descendre boire l'apéritif, au motif d'admirer le beau sapin que sa voisine s'est fait livrer. Ah, c'est donc ça, une maîtresse, se dit Faustine, qui s'est jointe à l'invitation en catimini et ne trouve pas franchement de différence entre la mère petit bateau et les femmes normales. Elle se désintéresse très vite de la question et se tourne vers l'énorme sapin qui occupe la moitié de la pièce. Faute de bougie, leur hôtesse a épinglé sur les longues branches, en guise de guirlande, toutes les cartes de vœux qu'elle a reçues. Il y en a tellement! De toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les pays du monde sans doute, pense Faustine qui aimerait bien avoir autant d'amis, et n'oubliera pas l'idée. Maman a renoncé au sapin cette année. Elle trouve que c'est une hérésie, un sapin de Noël, quand il n'y a pas de neige. C'est sa manière de souligner leur changement de vie radical. Il faut savoir s'adapter. Un soir, papa rentre avec un grand sourire. Il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Un associé. À eux deux, trois avec maman, ils vont monter une affaire dans le domaine des produits de beauté. Ils sous-traiteront la fabrication de crèmes, lotions, émulsions, anti-rides, etc. dans un laboratoire local et engageront des vendeuses qui démarcheront les particuliers. Cette entreprise représente un excellent investissement, proclame papa, qui, bien entendu, est passé se renseigner à la banque. On lui a confirmé que l'affaire était saine et donné le feu vert. Il ne reste plus à la petite famille qu'à trouver un nouveau logis à proximité de Cannes-sur-Mer où réside leur futur associé. Papa et maman s'y emploient pendant les semaines suivantes. Laissant tomber les rapprochements, au contraire, devenant transparente, Faustine obtient une paix relative à l'école. La perspective de bientôt quitter cette bande de ploucs la réjouit infiniment. Temps passe vite, il y a des compensations. Le carnaval de Nice en février, avec tous les chars savamment décorés de mimosas en fleurs et de beauté des vêtus, les fanfares, les batailles de confettis, est suivi quelques jours plus tard par la fête du citron de Menton, tout aussi exubérante. Faustine et ses parents profitent d'un début d'année particulièrement clément. Ils visitent les beaux sites de la région. Aise Village, Roquebrune, Saint-Jean-Cap-Ferrat, le musée océanographique de Monaco et Monte Carlo. C'est un grand-oncle de papa qui a sculpté les dauphins en pierre sur la façade, vous le saviez? Ensemble, ils ont gravi le mont Boron et visité le fort Vauban, d'où on a une si belle vue sur Nice. Ils n'ont pas oublié les marchés, ni la vieille ville, tellement vivante et colorée. Et puis, tous ces mots magiques, promenade des Anglais, baie des Anges, Negresco, que de découvertes. La tête de Faustine lui tourne encore que ses parents ont déjà trouvé leur futur nid. Il l'annonce un soir après l'école. Ce sera au Crou de Cagne, petit port de pêche situé entre Nice et Antibes. L'appartement est au troisième étage d'un immeuble dont tout le rez-de-chaussée est occupé par une boulangerie. Début avril, on emménage et tout de suite après les vacances de Pâques, Faustine reprendra les cours au lycée de Cagnes.